Le plus grand mensonge cosmique. Qu'est-ce que c'est qu'on va détruire? Non, l'homme va être détruit. C'est la destruction du plus grand mensonge cosmique. C'est l'humain qui est le mensonge cosmique. Est-ce que tu es un menteur cosmique? Non, c'était une autre façon de voir la question. Est-ce que l'humain est un menteur ou est un mensonge? L'humain est mensongène. Ce qui veut dire? Ça veut dire que l'humain est un phénomène qui génère du mensonge. Et il trouve un ça. Un peu comme les parents sont mensongènes des fois quand ils disent à leur enfant, là. T'arrives de où, là? Dis-moi pas que tu viens de chez ton ami. Bon, avec un enfant, il dit non, je viens du parc. Maudit menteur! Et le parent est mensongène, il oblige l'enfant à compter des mentries. Mais l'humain est mensongène. On s'oblige tous mutuellement. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça fait partie des... Est-ce que s'il n'y avait pas d'humain, il n'y aurait pas de mensonge? Ou... Ah ben là, écoute, il n'y aura pas de mensonge là où il y a des humains maintenant, mais on n'est pas les seuls à... Mais c'est par l'humain que s'exprime mais le mensonge. C'est pas un grand mensonge cosmique, c'est pas que l'humain compte des mensonges, c'est démontré. C'est quoi le mensonge cosmique? Le plus grand ou le mensonge cosmique? Le mensonge cosmique, c'est l'illusion. Le plus grand, ça doit être le mensonge cosmique. Le plus grand mensonge cosmique. Bon, il faut comprendre une chose, c'est que quand on parle de mensonge cosmique, on ne dit pas la plus grande illusion. Parce que si on parle de mensonge, il faudra comprendre que quelque part, il y a un menteur. Donc, il y a une intention. Ça plaire à certaines personnes. Il y a eu un menteur. Parce que si c'est une illusion, l'illusion, c'est parce qu'on ne comprend pas et qu'on ne voit pas. Mais ça, l'illusion, on peut arriver, quand on finit par se rendre compte qu'on est dans l'illusion, on peut ne pas en vouloir à l'illusion. Hein? Et pendant longtemps, je pensais que c'était bon ce que je buvais. Maintenant, je me rends compte que ce n'est pas bon. Ça ne vaut pas la peine que je déteste ce que je buvais, puis que je l'haïsse, puis que je tire dessus, puis bon. Mais quand je me rends compte qu'on m'a dit des choses, ou on m'a formé à faire des choses, ou on m'a structuré, ou on m'a programmé, archétypé, infusé, bon, et on m'a fourré. Mais là, quand je m'en rends compte, effectivement, j'ai le goût de savoir un peu ce qui se passe. Et puis, à travers le fait qu'on m'ait organisé tout un amancheux pour que je ne comprenne rien, puis que je ne m'en sorte pas, quand je commence à m'en sortir, ben là, il se trouve qu'il y a des événements de la vie qui semblent faire en sorte de m'amener à de m'occuper en tout cas suffisamment pour que je n'ai pas trop de temps ou d'énergie à mettre là-dedans. Apparemment, il y a quelqu'un quelque part qui ne veut pas que l'humain s'en sorte. Quelque chose à cacher. Oui. Puis le grand mensonge cosmique, c'est quelque chose qui a été donné à l'homme au début. Quand je parle du début, moi je parle du début planétaire, évidemment, hein, parce que le début, c'est un peu plus loin. Donc, quelque chose qui a été donné à l'homme pour placer l'homme dans une situation psychologique et émotive, mentale et intelligente, et placer l'homme dans une situation où, finalement, il va toujours faire fausse route. Puis chaque fois qu'il va se demander des informations, on va toujours le brancher à mauvaise place. On va toujours donner, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, il croit, là, c'est plus bon. Fait que l'intuition, il écoute, ça marche. Il écoute, ça marche. Il s'essaye un peu plus, ça marche. Et là, il s'essaye, il y a la plaque. Bon. Alors, il y a quelque chose, quelque part, qui effectivement est un mensonge cosmique, c'est-à-dire une chose que l'humain considère comme étant évidente. C'est un acquis. C'est évident. Puis ça, c'est totalement faux. Puis le plus grand de ces mensonges-là, c'est la pensée. Le plus grand mensonge cosmique, c'est que l'être humain pense qu'il pense, alors qu'on pense dans sa tête, puis on pense pour lui. Il n'y a pas aucun humain sur la planète Terre qui est maître de sa pensée. Il y en a qui pensent qu'ils sont maîtres de leur pensée. C'est ça qui est un maudit problème, parce que quand tu penses que tu es correct, ben tu ne fais plus rien pour être correct. Puis quand tu penses que tu as réussi, par exemple, tu penses que personne ne t'entend te moucher. Tu penses. Mais si tu penses que tout le monde t'entend, bien là, ça s'écrète en dedans, ça se promène, ça y va par là. Puis l'humain va se dire, oui, mais parce que souvent, dans le séminaire, je pose des questions aux gens, si tu es intelligent, ce que tu vis, ce qui t'arrive. Ils me disent non. Pourquoi ça t'arrive d'abord? Mais le gros mensonge, le plus grand mensonge cosmique, c'est que l'être humain est convaincu que c'est lui qui pense. Il n'y a rien de pire, parce que tout ce qui va découler du fait que l'humain pense qu'il pense, va ternir la conscience de l'homme, puis va totalement l'envoyer n'importe où. Pourquoi? Parce que, un, si vous pensez que c'est vous autres qui pensez, et si vous avez mal pensé, c'est votre faute, hein? fait qu'on engendre la culpabilité, qui est 97% du karma humain, karma relatif, dépendamment de sa dose de support de la culpabilité. Ensuite, on va vous obliger à faire des choix. Tu penses? Mais alors que l'humain n'est même pas bâti pour faire des choix, parce que du moment que l'humain a un choix, il y a une dissonance cognitive, il se fait tout pour l'atténuer. Fait que l'humain, il regarde là, il regarde par là, puis il trouve des bonnes raisons pour aller par là, des bonnes raisons pour aller par là, puis là, l'humain, il ne sait plus. Puis là, l'humain, quel que soit le chemin qu'il prend, il va être capable de t'expliquer que c'est le bon chemin. Pense. Après ça, l'humain dit, si j'avais su. Ben, tu pensais à l'époque, là? Il a pensé comme du monde. C'est ce qu'on dit souvent à l'humain. Faut-tu... T'aurais dû y penser. Ouais. Mais là, pensez-y. Comment auriez-vous dû y penser? T'aurais dû y penser avant. Oui. Mais c'est simple. Si l'humain pense, c'est simple. Pensez donc à une idée de génie tout de suite qui va faire votre fortune. Pensez-y, tout de suite. Mais non, vous allez penser dans 20 ans, quand vous n'aurez pas d'argent, quand vous allez être mal placé, quand vous allez... Pensez-y tout de suite. T'aurais dû y penser. Comment j'aurais fait? Comment on fait pour avoir dû? Comment je fais pour... Hein? L'humain pense qu'il pense, l'humain ne pense pas. Mais quand ça va bien... ou mieux que mal. Là. Il y a des fois, disons qu'à 55% de tes décisions sont ou semblent bonnes. Fait que là, mais tu ne décides jamais rien. Bon, là, on se dit, oui, mais on se dit humainement... On se dit même pas. Ça va bien, mes idées sont bonnes. T'entends quelqu'un comme toi là, qui dit que quelqu'un qui pense dans ma tête, puis je dis qu'il va se promener, lui, mes idées sont bonnes, ça marche, mes affaires. Oui. Mais quand ça va mal... Là, on se dit, là, c'est facile de dire quand ça va mal, il y a quelqu'un d'autre qui pense à ma place. Parce que moi, je suis assez intelligent, j'aurais vraiment fait ça de même. C'est ça, c'est une question d'ego. Moi, je suis tellement parfait que si ça n'a pas marché, c'est pas moi qui pensais. C'est ça. C'est facile à accepter. Ouais. Mais moi, écoute, ça marche, là, puis c'est moi, certain, c'est bien évident. Guy Lafleur a pensé ça longtemps. C'est lui qui pensait sa façon de jouer. Jusqu'au jour où il était plus bon. Ben, c'est pas de sa faute. C'est que la rondelle, elle n'est plus ce qu'il pensait qu'elle allait. Les joueurs, je ne sais plus ce qu'ils pensaient qu'ils jouaient. Bon, c'était plus comme ils pensaient. Puis finalement, ben, il a pensé que peut-être il faudrait qu'il sorte. Bon. Mais non. Mais qui pense à notre place? C'est une aberration phraséologique, ce que tu viens de dire. Explique ça. Ma naissance aussi. Ça mérite une bonne explication. Une aberration phraséologique, c'est... Bon, j'expliquais ça dernièrement à des séminaristes, là, je ne vais pas revenir trop là-dessus. Parce que la question que tu as posée, c'est une aberration très à point. Très je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est très simple. C'est qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Hein? On mélange les lettres de n'importe quelle façon, là. Puis on en prend 4-5, puis on regarde. Ça fait quoi? Ça fait un thick pack. On en mélange d'autres, là, puis on regarde, ça fait banane. Ah, ça veut dire quelque chose. Puis on en mélange plein d'autres, là, puis ça fait souris. Hop, ça veut dire quelque chose. 26 lettres, on est capable de créer des milliards de concepts, parce qu'en plus, on inclut un paquet de langues avec 26 lettres. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on a fait un paquet de mots, il y a un paquet de mots qui ne nous disent rien, on les exclut. Hein? On dit ça, c'est niaiseux. Mais tous les mots qui nous font du sens, on les prend, on les inclut. Là, on mélange les mots, puis ça crée des phrases. Mais dans les phrases mélangées, banal, mur, sortie, micro, ça dit rien, on l'exclut. Qui est celui qui manipule? Ça dit quelque chose, on l'inclut. Mais c'est une autre phrase, c'est une aberration phraséologique. La question que tu as posée, c'est une erreur. C'est une addition de mots qui subitement te font du sens, puis là, tu veux la réponse. Mais ce n'est pas une question, puis il n'y a pas de réponse. Puis c'est un gros problème chez l'humain, parce qu'il y a la majorité des stress philosophiques de l'humain sont des aberrations phraséologiques, c'est-à-dire que des mots qui viennent de sa place. C'est pas lui qui pense. C'est pas lui qui pense, il y a un paquet de mots qui passent. Il en passe des mots dans vos têtes, il en passe des mots d'îlots. Sauf qu'on n'arrête pas tout. Ben, ça n'a pas de sens. À un moment donné, on se dit, là, je viens d'avoir une idée, ça a du sens. Ou encore, trouve-moi donc un titre pour telle conférence. C'est pas moi, là, la vitesse du vent à travers les barreaux de chaise. Non, c'est pas bon, OK. La grenouille miraculeuse chantera quand elle a le choix. Non. À un moment donné, ça va être la destruction du plus grand mensonge cosmique. Ah oui, ah, c'est bon, on le note. Mais c'est des mots qui passent. Puis nous, notre cerveau analyse rapidement. Là, il en passe bien plus que ce qu'on a dans la conscience de notre cerveau. Puis on arrête. Des fois, il est bon. Des fois, on est là. Ah, je l'ai. Ça passe. T'essayes de les arrêter, t'essayes de les retenir. Puis je l'ai perdu. Tu l'as pas perdu, tu l'as jamais eu. Bon, en tout cas. Ah, ben, toi, là, on l'a perdu. Mais ça veut dire que... Mais une aberration phraséologique, c'était ça. Un exemple, là. Puis c'est difficile pour l'humain d'accepter ça, parce que ça fait partie de ce qui vient faire vibrer son corps physique, son corps vital, son corps astral, parce que ce sont des aberrations, puis ça lui donne l'impression de vivre. Là, on dirait que quand il accroche à une question de même, il a l'impression d'avoir accroché quelque chose. Oui, mais... Il y a un bon lapin. Il va OK, avoir... d'accord, Daniel, mais répondons à une phrase, c'est-à-dire... Une aberration pharmacologique, telle qu'il l'a présentée. Mais c'est une aberration parce que j'ai dit « qui pense à ma place ». Si on disait « qu'est-ce qui pense à ma place », ça serait... Non, maintenant, ça, c'est de la diplomatie. Ouais. Mais la réponse, c'est quoi? C'est la réponse que je voulais. La réponse, c'est quoi? Bon, vous voulez... C'est ça, c'est que... Avant, il faudrait être sûr que ça passe à ta place. Ah, ça, c'est assez facile. En tout cas, pour moi, là, c'est évident. Oui, mais l'homme a quand même un cerveau pour organiser tous ces mots-là. S'il exclut des mots puis il en organise d'autres, il a quand même un certain contrôle. Il fait un job là-dedans, lui. Oui, effectivement. Parce que tu peux penser quelque chose puis dire, non, ça n'a pas d'allure. Puis là, tu penses d'autres choses, oui, ça a de l'allure. OK. Maintenant, il faut bien comprendre. Puis là, moi, je ne vous amène pas une affaire de même. Écoutez le monde puis regardez-vous penser. Il vient de dire, ah non, mais là, écoute, là, moi, je pense à ça, mais ça n'a pas d'allure. Pourquoi tu penses à des affaires qui n'ont pas d'allure? C'est tant qu'à penser! Tant qu'à penser! Pense donc tout de suite de l'allure! Bon, ben, admettons... Non, on a tout voulu filtrer! Mais on a une conscience! Oui, mais c'est ça, mais mon cerveau, lui, il n'est pas nécessairement organisé. C'est oui, mais il m'envoie un paquet de mots, là. Puis c'est moi qui dois mettre de l'ordre là-dedans. C'est là le problème. Parce qu'effectivement, on est capable de filtrer des choses, on est capable de constater des choses, on est capable de conscientiser des choses. Mais le mensonge cosmique, c'est qu'on pense qu'on pense. Ça, c'est le maudit problème, parce qu'à un moment donné, je le dis souvent, tu veux dormir, ça pense dans ta tête, tu peux pas t'empêcher de penser. Si tu penses, qu'est-ce que tu fais? T'es bien épais. Mais cesse de penser, puis dors. C'est simple. Mais là, les individus qui se font charrier sont les premiers à croire que c'est eux autres qui pensent. Tu viens de gagner la loterie, puis tu peux plus dormir pendant 3 semaines. Ça pense, tu vois pas qu'à l'affaire, mais c'est... Mais non, rien là, 2 millions de mille, tu te couches, tu dors. Ça, moi, je dormirais mieux. Ben non, ils ne dorment plus. Ça pense. Tous les individus qui sont morts, qui sont dans l'astral, qui auraient voulu avoir de l'argent, ils se faufilent dans sa tête et essayent d'en profiter. De son million. Fait que là, ils vont tous lui faire dire, écoute, va à Cacapulco, tu vas aimer ça. Elle aurait voulu y aller, la personne. Elle n'a jamais pu y aller. Bon. Fait que là, elle pense, elle fait des rêves, oui donc. Pourquoi la majorité de tout ce qu'on pense n'arrive jamais? La majorité de tout ce qu'on a peur n'arrive jamais? Pourquoi le Nazaréen a même dit, t'aimes ça parler du Nazaréen? Ça va arriver. Pas comme l'homme pense. Ah, ça va, permet de se pratiquer, de se préparer, puis non, oui donc. Hein? Mais s'il dit pas comme l'homme pense, c'est que l'homme pense. Non? Parce que là, pensez qu'il était pour expliquer en araméen toutes les mécaniques de la subtilité de la pensée. Déjà qu'il en avait bouleversé assez, qu'il s'est fait crucifier, c'est pas pour le dire en plus qu'il pensait pas. Il a au moins été capable de dire, Père, pardonne-leur. Là, il faut faire attention parce que le Père, je t'ai déjà dit, toi, là, qu'il y a ces structures-là, on doit les instruire. Quelles structures? Les hiérarchies. L'être humain, c'est bien plus que ce que ça peut penser, puis il n'y a pas une philosophie sur la planète encore qui l'a décrit. Mais lui, il va dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pensent. Mais il y a pire là-dedans. C'est qu'il faut qu'ils disent au Père quoi faire. Puis c'était pas une prière, hein? Il savait qu'il fallait qu'il ordonne. Okay? Bon, mais ça, on va passer ce petit détail-là, mais c'est un peu trop poussé. Mais ce qui est important, c'est ça, que... Ça pourrait peut-être expliquer et nous permettre de comprendre plus le mensonge cosmique, si tu continues, Daniel, parce que oui, mais, ça engendre une autre question. Il va commander au Père. Pourquoi que l'énergie a besoin d'un corps physique pour commander à l'énergie? Non, ça, c'est pas une aberration phraséologique, mais c'est une vieille question que j'ai entendue souvent. Cassette 23, 64, 187, 192, 208, 275, 300. Bon, l'énergie, ça fait partie, ça encore, du mensonge cosmique. Le gros problème du mensonge cosmique, il faudrait qu'on voit un peu comment on va aller mettre fin à ça. Pas tout de suite, là, parce que l'humain, il pense trop. Parce que l'humain va-tu te dire, l'humain va-tu te penser qu'il va aller mettre fin à ça, hein? Parce que c'est ça qui est le maudit problème, c'est qu'on pense tellement dans la tête de l'homme, de la femme et de l'enfant qu'on est sans arrêt continuellement en train de vous distraire. Puis là, ce qui va arriver, moi j'ai parlé de ça par exemple à des prêtres, ils vont la majorité s'obstiner. T'sais, l'être humain a un libre arbitre de conscience, c'est l'être humain qui décide ce qui est bon et qui décide ce qui est mal. Il dit, mais l'être humain, moi, je vais rejeter, oui, c'est vrai ce que vous dites, puis c'est lui qui dit toujours, ah, ben si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Donc, il a toujours fait le bien, puis en voulant faire le bien, souvent, il l'a fait mal. Fait qu'en partant, l'humain décide pas le bien, pas le mal, il sait après l'avoir fait, si c'était bien ou mal, ben, qu'est-ce que vous voulez. Là, les psychologues vont me dire que l'homme pense, puis eux, leur job, c'est de les reprogrammer à penser différemment, coup de bain. Puis, tous ceux qui sont manipulés, si je vais voir, par exemple, le yoga, les disciples du yoga, l'homme pense. Ils font 150 stratégies physiques là, pour arriver à atténuer la pensée, à contrôler la pensée. Bon, allez voir les disciples du zen, ils vont me dire qu'ils pensent. Ils font tout pour exclure la pensée dans le zazen. On va aller voir les méditants, en fait. Mais le zazen, la méditation aussi. Et puis, etc., etc. Plus l'individu est... depuis le début de l'histoire, que l'humain se fend derrière... Non, on s'est occupé. Que l'humain s'arrange, en tout cas, pour faire des stratégies, des techniques pour contrôler sa pensée. Puis il ose dire sa pensée. Je pense que je viens de trouver comment faire pour contrôler ma pensée. En tout cas, de l'aberration, là. Je pense que je sais comment contrôler ma pensée. Tu es en train de faire avoir un tabarnouche. C'est ça le mensonge cosmique. Chaque fois qu'on est en train de vivre des choses, on pense, on pense, on pense. Puis là, c'est sûr que vous ne pourrez pas arrêter de penser du jour au lendemain. C'est pas vrai. Ça n'arrêtera pas de penser du jour au lendemain dans vos têtes. Ça, c'est évident. Mais en attendant, le gros, gros, gros mensonge cosmique, c'est que l'être humain pense. Qui pense? Je répète mon appellation. Qu'est-ce qui pense dans ma tête? Qu'est-ce qui fait la pensée? Qu'est-ce qui me fait penser? Bon. Moi, en tant que... Bon, je vais te poser une question banale. Comme ça. C'est frustrant, je sais. Ça va être ceci. Qu'est-ce qui serait le plus utile? Savoir qu'est-ce qui passe ou savoir comment prendre le contrôle? Ça serait de savoir comment prendre le contrôle. Ça serait. Donc, c'est pas ça. Vous voyez comment ça pense dans sa tête? Ça met des mots. Ça serait de ça. Mais, passons à d'autres choses. Okay. Mais j'aurais plus le goût de connaître la source. Mais c'est évident. Voyons donc, elle veut savoir ce que je connais d'elle. C'est sûr qu'elle te fait penser... voyons. C'est bien évident. Qu'est-ce qu'il pense dans la tête de l'homme? C'est bien compliqué à expliquer. Non, c'est plutôt compliqué à comprendre. C'est facile à expliquer. La tête de l'homme, faire un petit parallèle, puis là, il faut faire attention. Vous n'êtes pas de la pensée. Hein? Il faut bien comprendre l'idée. Parce que si l'humain pense qu'il est de la pensée, puis qu'il pense qu'on le fait dire qu'il ne pense pas, puis là, il va être poli. Mais pourquoi, à un moment donné, vous ne voulez plus penser à ceci? Pourquoi, à un moment donné, vous devez penser et chercher une idée? C'est pas vous autres qui pensez. Là, l'idée vient de passer, là, puis on l'a ramassée, puis etc. Bon, le génie, c'est quelqu'un que ça s'adonne, que les pensées, il ramasse tout. Il est bien content, lui. On appelle ça de l'inspiration. Parce que le gars s'est dit, il ramasse des idées, puis là, il est arrivé. C'est l'inspiration. C'est vrai. Bon. Puis toutes les grandes techniques de pensée, on respire. Je sais, moi, j'ai des idées d'affaires, des hommes d'affaires ésotériques. Puis là, il était là. Ah, tout le monde était là. Ça vient de voler son idée. Ah, il commençait à trouver, tout le monde se mettait à respirer, à sniffer à côté de lui. Mais... En tout cas, le gars déjà, il est perdu. Tout le monde avait un petit peu. Mais c'était pas assez. Tout le monde avait un petit peu. Il fallait mettre ça en morceaux. Qui pense? Ce qu'on doit comprendre, c'est que l'être humain, sa pensée, le véhicule dans lequel ça pense, c'est son âme. L'âme, c'est le rare processus qui n'évolue pas. Pas parce qu'une âme, c'est parfaite. Ben, c'est parfait, une âme. C'est vrai que c'est parfait, sauf que c'est parfait, mais c'est pas le summum. L'âme, son principe, sa fonction, c'est d'accumuler de la mémoire, d'accumuler de l'information. À travers l'accumulation d'informations, l'âme a comme fonction d'exprimer son information dans le corps physique, par le système endocrinien, par le système cérébral, et finalement par le système musculaire à travers l'interpréteur axonal, partie de l'âme, partie chérubinique de l'âme. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on peut donc considérer que l'âme est une espèce de grand réservoir de... Non, l'âme est une espèce de maison dont toutes les portes, toutes les fenêtres sont ouvertes. Là, il y a des courants d'air là-dedans qui ventent. Et plus il y a de portes d'ouvertes dans ta maison, plus il y a de courants d'air. Puis l'air qui passe, elle bouge les plantes, elle bouge les choses, elle bouge tes cheveux. L'air qui passe, elle amène de l'humidité, elle amène de la sécheresse, elle sèche la maison, elle amène des moubites, elle amène les odeurs, elle amène, bon. Tout ça pour la maison, c'est ce que l'humain appellerait de la pensée. Alors, qu'est-ce qui passe? La mécanique est grande, c'est une mécanique météorologique du monde astral, mais ça passe. Alors, à un moment donné, c'est évident qu'il y a un oiseau qui rentre avec ça. L'oiseau, il commence à se promener, puis là, il bouffe tes plantes. Puis là, il veut sortir, puis il casse une fenêtre, il fait une autre porte, une autre ouverture. Puis à un moment donné, bien là, le vent, il y a un ouragan. Fait que là, il y a des meubles du voisin, des affaires qui rentrent chez toi, puis tu ne reconnais plus ta maison, puis bon. Puis à un moment donné, tu n'es pas capable de les faire sortir, tu ne sais pas comment ça rentrer. Puis au bout d'un, tu trouves que la table qui est rentrée est belle, tu t'as la garde. Puis là, mais là, ta maison change. Quelqu'un qui rentre chez toi va dire, crime, je ne te reconnais plus chez vous. Comme on va dire, je ne te reconnais plus. C'est passé des affaires dans ta vie. Donc, puis ce qui est une chose importante aussi, c'est que l'humain a besoin. Présentement, en termes de, pour animer son corps physique, il a besoin d'être animé. Animé, anima. Anima, c'est de là que vient le terme âme. L'humain a besoin d'être stimulé. Tant que l'humain n'est pas en contact avec l'humain, avec sa source, avec l'humain, l'humain a besoin d'être stimulé physiquement pour permettre l'évolution génétique des corps. Là, ça permet d'avoir des corps plus subtils de plus en plus, qui vont permettre de développer des outils plus subtils, qui vont nous permettre d'arriver à être quelque chose de plus subtil qu'un être humain. Alors, présentement, il y a des courants d'air. Il y a des personnes qui ont beaucoup de courants d'air. Les artistes sont des personnes, souvent, eux autres, qui ont la porte du garage ouverte, puis le double toit, puis tout, bon, tout ouvert. Fait que l'artiste, ça vente là-dedans énormément. Et puis, il a besoin d'être stimulé. Alors, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on s'adapte à une dose de vent. Tes plantes, puis les feuilles qui avaient à tomber, sont parties. Puis, t'aimes ça voir des feuilles partir. Alors, tu as besoin d'être stimulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aller. L'artiste aura besoin de public, par exemple. Et plus le public va applaudir, plus le public va l'aimer, plus le public va être capable de vanter. Plus il va se sentir correct. Et ça va être comme ça pour l'humain. Donc, ce qu'il faut comprendre, les modes, c'est la même chose. Il y a une mode qui commence en Angleterre, sauf que l'astral, ainsi que la majorité des égrégores dans l'astral, sont contenus dans les atomes de carbone et d'oxygène. On appelle ça de l'oxycarbomémoire. On appelle ça quelque part. On appelle ça de l'oxycarbomémoire. Et le processus même d'oxycarbomémoire, ça fait en sorte que l'être humain, à travers l'expérience, à travers ce qu'il va vivre, donc en expirant, en inspirant, il va nécessairement avoir accès à de la mémoire, d'où le terme inspiration pour trouver des idées. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il se passe un coup en Angleterre, une mode, puis tout ça, l'humain vivant ça, l'humain inspirant, expirant, c'est fixé dans les molécules de carbone et d'oxygène. Puis le vent planétaire va faire en sorte que ça amène ça. Puis on peut regarder que la migration des modes est toujours en fonction de la migration des vents. Autrement dit, faites peut-être une bombe nucléaire quelque part, puis regardez où ça va tomber, là. Changez une mode à la même place, vous allez voir, ils vont changer quelques années plus tard là-bas. Et là, ça a un processus comme ça où ça vient. C'est évident que l'individu, il y a d'autres façons de déménager ça. Mais ce qu'on doit comprendre simplement, c'est que jamais je n'aimerais ça. Et à un moment donné, je commence à aimer ça. À un moment donné, j'aime ça. Et à un moment donné, j'aime moins ça. À un moment donné, j'aime plus ça. Hein? C'est moi qui contrôle tout. Quand est-ce que tu as décidé que tu aimais ça? Tu t'es dit, tiens, j'aime pas ça, là, mais là, je décide que j'aime ça. Paf, ah, maudit, c'est beau. Mais non. Tu constates que tu es en train d'aimer ça. Tu constates que finalement, tu vibres à ça. Et tu dis, ben, j'aime ça. C'est pour ça que je vais voir ce spectacle-là. T'sais, c'est moi qui décide. As-tu décidé que tu aimerais ça? Non, t'es là comme un n'importe qui, un courant d'air, puis là, t'es rendu que tu vivras ça, puis tu t'en vas là, puis t'es là, puis deux ans après, ils vont des chants, tu le mets bien, là, t'écoutes ses vieux monologues, puis tu dis, crème, c'était bon. Là, t'es répu, tu sais, parce que là, même si t'en rappelais pas, c'est plus bon. Question de vent. Et l'humain se promène comme ça. C'est ce qu'il pense dans ta tête, c'est du vent. Mais qui a décidé de le faire, ce vent-là? Vu qu'il y a une intention, ça, c'est une aberration phraséologique. Je suis parti là-dessus. Qui fait partie, mais là, c'est parce que c'est très grave. Parce qu'un menteur, en arrière du mensonge. Souvent, en conférence réservée aux séminaristes, c'est que le qui fait partie de l'illusion même de la pensée. On n'a même pas besoin de qui, on n'est même pas identifié. Ça fait partie de l'illusion de la pensée. On te force à dire qui, sans arrêt. Alors, nécessairement, tu vas dire qui, tu inventes un Dieu. Bon, tu vas dire qui contrôle, tu inventes un diable. Qui, mais il n'y a pas de personnalité là-dedans. Oui, mais tantôt... Là, ce que tu fais, toi, là, c'est pas long. Lui, ce qu'il fait, là, c'est vraiment pas long. C'est de l'idolâtrie qu'il fait. Oui, à l'époque, on disait, qui est le dieu volcan? Tu dis, qui est le dieu manipulateur? Quelle est la personne qui manipule? C'est ça, personne. S'il avait pas posé la question tantôt, on n'aurait pas su la réponse. Une question, toi, là. Oui, mais t'as expliqué comment est-ce que ça passait dans la tête de l'homme parce qu'il a posé la question. Je sais tout ça. Bon, ben c'est correct. Ah, ben j'ai pas dit le contraire, mais j'en profite pour parler des aberrations, parce que les gens, à un moment donné, deviennent schizophrènes, les gens deviennent problématiques. Je l'ai des termes, il faut faire attention aux mots, mais les gens vivent certains problèmes uniquement à cause d'aberrations phraséologiques, et je tenais à l'expliquer un peu là. C'est parce qu'on personnifie des mouvements. Dans le fond, c'est une mécanique, puis il n'y a pas de personne en arrière. Oui, puis on pose des questions dans ce genre-là, des questions qui sont des aberrations phraséologiques. Si on considère, par exemple, que la majorité des êtres humains vont dire, bon, le but fondamental de l'homme, c'est de rejoindre Dieu. Mais quand ça va rejoindre Dieu, est-ce que tu vas te fusionner à Dieu? Certains disent oui. Mais si tu te fusionnes, tu n'existeras plus. Ah non, j'existe encore. Mais tu ne peux pas être ça, être l'observateur, puis l'observer, tu sais. Puis, bon. D'autres vont dire, non, c'est à toi, c'est à droite. Ils vont être 5 milliards, non, 5 milliards, avec tout ce qui sont pas sur la tête après. 300-400 billions, assis à sa droite. J'espère qu'on n'est pas sur une planète, parce qu'il y en a qui assis à sa droite vont se ramasser à sa gauche. J'espère au moins que c'est plat. Parce qu'il y en a qui vont être déçus de travailler toute son temps. En tout cas, mais les gens ont des idées comme ça. Il y a un paquet d'aberrations phraséologiques qui vont faire en sorte que les personnes vont vivre de graves problèmes psychologiques. Et ces graves problèmes psychologiques-là vont être normalement supportés, atténués par la religion, la psychologie, la science, la distraction, ces choses-là. Mais en attendant, ça va rentrer dans ta tête. On nous fait penser ça aussi. On me fait penser, moi, qu'il y a quelqu'un en haut, en quelque part, qui m'en veut. Quand je me dis qu'il y a quelqu'un qui pense dans ma tête, pour moi, c'est pas une mécanique. Il y a quelqu'un qui veut que je pense quelque chose. Absolument. On pense pas, il y a une mécanique qui fait en sorte que je pense, oui, que je pense. Le problème, ce que j'aime pas, on va en parler un peu vu que tu amènes la question, si tu l'amènes, on va y répondre. Le problème, ce que j'aime pas, moi, c'est que le moindrement qu'on commence à parler des mécaniques qui assujettissent l'humain à être manipulé, ces mécaniques-là ne font pas partie de la personnalité. Il n'y a pas de qui. Mais parce que l'être humain a, pour comprendre, puis ça fait partie du mensonge cosmique, il est totalement pilonné à faire des comparaisons. Il connaît les autres familles en comparant la sienne. Il connaît les autres villes en comparant la sienne. Il connaît les autres pays en comparant avec le sien. Il connaît les autres races en comparant avec la sienne. Il est pilonné là-dedans. C'est un mot du problème. Et là, ce qui arrive, c'est que moi, en parlant des mécaniques, ce que je veux pas, c'est ce que l'humain a toujours fait jusqu'à date. À chaque fois que quelqu'un est venu parler des mécaniques, c'est que l'humain finit par en faire une religion. Une religion noire ou blanche. Bon, il n'y a pas de qui. Mais il y a effectivement des forces, on va dire des forces. Il y a des mondes qui vont dire des forces, qui vont les spiritualiser quand même. Là, c'est ça qui est le problème. Ils sont manipulés à spiritualiser les choses. Il y a des forces présentement qui sont extrêmement intéressées à faire en sorte que l'être humain n'avance pas, ne se conscientise pas, reste dans une espèce de roue particulière, une roue qui est une roue d'aberration, et cette roue est devenue même le centre de la religion tibétaine, devenue le centre de la religion bouddhique. En tout cas, on a commencé, là. C'est rendu le centre de certaines religions, puis c'est une aberration totale au niveau de l'humain. Il y a effectivement des forces qui ont tout intérêt à faire en sorte que l'humain ne s'en sorte pas, ce sont des forces d'involution, et qui, elles, s'occupent de piller la conscience de l'homme, de violer sa conscience par le rêve, par le sommeil, par la pensée, c'est la même chose. La personne a fait un cauchemar, elle se réveille, elle est toute poquée, puis elle s'est fait carrément violer pendant la nuit. La personne peut faire un cauchemar réveillé, elle peut avoir des idées. Je connais quelqu'un à un moment donné, moi, qui avait 5 000 $. Il se sentait pauvre. Il a mis 5 000 $ à la loterie. Clac, il était pauvre. Bon. Là, il savait c'était quoi. Mais il a eu l'idée, il était 5 000 $, je suis sûr que faut que tu mettes 14 millions de dollars si tu veux être sûr de gagner 1 million. Bon. Bien, ça veut dire quand le gros lot est à 1 million. L'être humain, il a effectivement des forces, sauf que tu vas dire qui? Il n'y a pas de qui. Puis le gros problème présentement, c'est que si on veut désamorcer le plus grand mensonge cosmique, il faut être capable, premièrement, de voir le mensonge. Il faut être capable de d'haïr le mensonge. Puis progressivement, tu devrais être capable de remonter jusqu'à la source du mensonge, puis déconnecter un de tes canaux là, puis rebrancher ton canal ailleurs. À l'instant où tu le déconnectes de là, un, tu ne peux plus recevoir aucune mémoire réincarnative, donc tu ne te feras pas muter en personnalité tout au long de ta vie. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire simplement que quand vous aviez 6 ans, vous étiez des êtres humains particuliers. À 12 ans, vous n'étiez plus les mêmes. À 17 ans, plus les mêmes du tout. À 25 ans, à 30 ans, à 50 ans. Puis on dit, oui, mais c'est l'expérience de la vie. Ouais. Mais il y a en même temps énormément de choses que vous vibriez quand vous étiez jeune, puis c'est plus ça maintenant. Il y en a qui a promis que jamais ils se droguaient, qui se sont drogués, jamais ils fumeraient, ils fument encore. Il y a tout un paquet de choses. Demandez aux jeunes garçons et aux jeunes filles, là. C'est, le sexe, ça t'intéresse-tu bien gros? Ben non. Ben, à un moment donné, ils n'ont pas le temps de te répondre. Occupé. Hein? D'ailleurs, même le terme, tu sais, capote pas. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fur et à mesure du passage du temps, tout à l'heure, on disait quand t'es jeune, t'es correct, quand t'es rendu plus âgé, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, mais souvent, vieillesse, c'est pas trop non plus. Tout au long du cheminement de ta vie, on s'occupe de toi. Et on s'occupe de t'occuper. C'est pourquoi tu vas être heureux. Tu vas tout perdre, malheureux. Tu vas gagner quand tu es habitué au malheur. Tu t'en vas comme ça, une vie sinusoïdale où finalement tout ce que qu'on te fait penser n'arrive pas. Tout ce que tu n'as pas pensé, ça arrive. À travers certains des séminaires que je donnais à un moment donné, puis j'expliquais aux gens de faire, faites pas ça, là. Je leur expliquais sur le moment-là, on cachait quelque chose dans le dos, une dizaine de personnes, puis là je leur disais, dis-moi laquelle que tu es sûr qu'il l'a pas. Et ils disaient, ben elle, je suis sûr qu'elle l'a pas. C'est elle qui l'avait. Ben, tu vois comment t'es, là? On est charriés comme ça. Là, maintenant, là, oui, mais là, ça va-tu marcher tout le temps? Non. Quand ils vont savoir que tu prends l'inverse, ils vont te donner la vraie réponse. Et parce que tu prends l'inverse, tu l'auras pu. Puis à un moment donné, tu ne sauras pas si c'est la bonne ou si c'est la mauvaise. Mais tu sais qu'à un moment donné, ça a fonctionné. Tu avais apparemment trouvé. Tu t'en es vanté, tu en as parlé, ils l'ont su. Ils l'ont su comment? Il faut que ça se communique. Ou d'autres en ont parlé. Le Nazaréen, la première chose qu'il disait à quelqu'un au départ, c'était « va pas en parler ». C'est sûr que l'humain, quand il dit ça, il en parle deux fois plus. Mais c'était pas pour faire de la publicité. Il fallait pas. Mais il y a des façons de penser qui fonctionnent pendant un certain temps pour certaines personnes. Le positivisme, non. Le jovialiste, c'est des... Mais oui, on a le positivisme, ça fonctionne jusqu'à la désillusion suprême. Oui, mais pendant un certain temps, ça fonctionne quand t'es en santé. J'en ai connu, moi, des jovialistes, puis ils étaient pas jovial du tout. À un moment donné, ils sont, quand ça va bien, ils sont pas, puis ils sont quand t'es interviews. Écoute, t'es jovialiste, faut bien que... Que tu sois joyeux. Mais c'est pas totalement à côté de la traque. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'être humain n'a pas la capacité de penser, c'est un fait. Ça pense dans sa tête. L'être humain a la capacité de discerner. Mais le mot du problème, c'est qu'on vous fait tellement penser vite qu'on n'arrive plus à discerner. Puis le problème, c'est que quand vous savez discerner, disons, le brut d'une information qui est malsaine, mais la fois suivante, on vous donne une information qui est un peu plus subtile. Ton discernement, pas ne marchera plus, là. Puis là, après 20 ans ou 20 000 ans de vie, t'es rendu que tu es subtil en maudit. On ne te charrie plus de la même façon. Mais la subtilité... Mais, quand on te charrie, on te pogne en maudit parce que c'est encore plus subtil. La subtilité, on la ressent, comme tu disais tantôt, après coup, par exemple. Mais on prend une décision, puis là, elle est mauvaise. Puis là, on se dit, elle le savait. Oui. Il y a un petit quelque chose, je le savais, mais ce petit quelque chose-là, il était passé fort quand ça a passé. Ce petit quelque chose-là, c'est toi. Et le petit quelque chose-là, c'est vous autres. Mais ce qui arrive, c'est que le mensonge cosmique... On ne pourrait pas parler plus fort quand on se parle. Ça peut pas! Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi ça peut pas. Il faut comprendre au départ que l'être humain, c'est de la chair. Progressivement, ça s'est tenu debout, biologiquement, ça s'entend. Hein? Ça s'est jamais tenu debout devant l'astral, les forces. Ça a toujours mettre l'avant, bon. Mais c'est une boue verticalement. Ça a permis un processus énergétique différent qui a développé un centre laryngé, un centre cérébral et des différentes choses. Maintenant, ce qui est important, c'est que l'être humain, lui, c'est un véhicule au départ. Puis, le véhicule est trop épais pour être capable de te recevoir, toi. Alors, ce qui arrive, c'est que le véhicule étant là, bien, nécessairement, il vit. Il y a des expériences absolument instinctives. Puis progressivement, toi, tu es capable de descendre un petit peu là-dedans. Là, je saute des étapes d'intervention luciférienne à un moment donné, etc. Puis il y a eu des mélanges génétiques. Puis ça a fait en sorte que l'humain est devenu astralisé, donc il y a eu une âme plus vite, avec de l'émotion, etc. Mais là, ce qui arrive, c'est que ton véhicule, au départ, toi, il devient extraordinairement bon. C'est une radio merveilleuse, capable de capter des ondes. Allez-vous-en en plein milieu du désert du Sahara, allumez votre petit portatif. Hein, votre Walkman ou Walkwoman, dépendamment des sexes, vous allumez votre petit radio portatif, clic. Et là, vous allez entendre le bruit du désert. Bon, c'est ça qu'on entend. Ta radio, elle est parfaite, mais ce que tu entends présentement, c'est du vent. T'entends? Bon, c'est tout ce que t'entends. Alors, à un moment donné, ben, c'est parfait, c'est merveilleux. Mais fie-toi pas à ce que t'entends, là. Quand t'en entends moins, tu dis, ah, il va faire beau. T'sais, quand t'en entends plus, ah, il va pleuvoir. Puis à un moment donné, quand t'en entends moins, il y a une tempête de sable. Puis t'essaies de décoder tout et... C'est sûr qu'à un moment donné, les perturbations atmosphériques vont influencer sur les ondes résiduelles. Puis tu vas être capable de décoder un peu. Tu vas commencer à penser que ce que tu entends, là, ça a du sens. Toi, c'est même dissonance cognitive, c'est même merveilleux, c'est précis. Je me trompe seulement 99 fois sur 100. C'est ce que l'humain fait. L'humain, il croit à l'astrologie, il se trompe tout le temps. L'humain, il croit à ses cartes, il se trompe tout le temps. Il croit aux prophètes, ils n'ont jamais eu raison. On explique après, là. Les prophéties te permettent de comprendre ce qui s'est passé. Jamais de prévoir ou pas être. Tu sais, t'es capable de comprendre pourquoi t'aurais pas dû être là. Mais t'es pas capable de savoir où faut pas que tu sois. C'est prophétie de l'humain. Alors, c'est ça qui arrive. T'as une radio. Nous sommes présentement une radio biologique capable de recevoir du vent. Ce vent-là, c'est l'expérience de tout ce qui s'est fait sur la planète Terre depuis le début. Ça crée le monde astral qu'on appelle le monde de la mort. Quand tu vas mourir, une partie de ta mémoire s'en va là-dedans. Ça va être divisé à travers ce que l'humain appelle la force purgatorielle. Il y a tout un processus là, que c'est un peu long à expliquer. Je parle plus au niveau du séminaire. Et ce qui est important, c'est que tu vas avoir donc, tu reçois du vent. Puis progressivement, toi, hein, vous autres, là, vous êtes capable de donner de l'information. Mais chaque fois que cette information-là, elle rentre, ta radio n'est pas sur le bon poste. Hein? Puis en plus, la radio, ton corps physique, n'est pas encore structurée pour être capable de recevoir la fréquence en question. Fait que tu entends qu'il y a un parasite. Tu entends un parasite à travers ta pensée. En réalité, tu entends la réalité à travers le parasite. Mais nous, on entend un petit quelque chose qui dit « Fais-le pas! » Puis tu dis « What the? » Mais tu le fais. Après ça, tu dis « C'est vrai, je ne dis pas le faire. » Bon. Alors, sans arrêt, présentement, ce qu'on entend, c'est du vent. Pourquoi savez-vous, pensez pas ça, vous savez ça, pourquoi savez-vous que continuellement, l'une des occupations de l'homme, de la femme et de l'enfant, c'est d'essayer d'arrêter ça là-dedans, la pensée. L'homme d'affaires, la femme d'affaires, il est fini de travailler, puis tu fais ce qu'elle n'arrêtera pas. L'enfant, elle vient de s'engueuler avec son professeur, il rentre à la maison, sa vie est piratée. Le parent, il a su une piratée. Vous rencontrez quelqu'un qui vous a fait de quoi, il y a 5 ans, vous l'avez encore. On n'est pas capable. Bon. Vous l'aimez, indépendamment de comment vous récupérez vos dissonances cognitives. Mais ce qui était, l'humain n'est pas capable. La grande partie du temps, à un point tel, on se fait tellement pirater dans la pensée que quelque part chez nous, on a essayé d'implanter dans la matière des stratégies pour, tant qu'à se faire charrier, au moins se faire charrier quelque part où on veut aller. Alors, on a inventé des distractions. On a inventé le tennis, le ping-pong. Le ping-pong, c'est un sport anglais, ça, là, hein? Enfin, c'est pas un sport chinois. Ping-pong, c'est à cause que c'est le bruit que les Anglais disent que ça fait. Bon. Et puis, tu inventes des activités comme ça, l'équitation, la chasse, la guerre. Parce que là, au moins, tu arrives à canaliser ta pensée dans une direction. C'est moins traumatisant pour le corps que la personne qui commence à faire une peinture. Hop, elle vous fait de la sculpture, commence à sculpter. Hop, elle vous fait de l'équitation, fait de l'équitation. Hop, elle vous de... Il y en a du monde comme ça. Ils sont bien partout où ils sont pas. Puis ils sont pas bien partout où ils sont. Bon, là, je suis en campagne, c'est en lieu de la ville, rendu en ville, j'ai le goût d'être en campagne, tu pars en voyage après, tu pars en vacances un mois, après une semaine, tu trouves que les vacances sont longues. Tu t'arranges pour attraper un tourista, ça te permet d'avoir une raison pour venir. Bon, je te reviens vite, un tourista, c'est pas un va vite. Le va vite, ça, c'est de l'argent de voyage. Mais l'humain, donc, essaie de bloquer ça. Et là, ça va créer un problème dans le contexte actuel, c'est que la majorité des religions vont être des processus de canalisation du penseur. Le penseur, c'est pas vous. Alors nous, on va accepter quelque part la religion pendant quelques centaines ou milliers d'années, parce que ça nous permet de canaliser, au moins de focusser. Hein? Ça permet d'amener tout le vent, au moins on aura un vent. Tant qu'à avoir du vent disparate, on va monter nos voiles d'une certaine façon, puis on va s'en aller, je sais pas où. Mais on va cesser de tourner en rond. Quand on tourne en rond, je sais où je vais. Nulle part. Bon, là, au moins, je ne sais pas où je vais, mais je peux aller quelque part. Alors, on monte nos voiles. Ça va créer la religion bouddhique qui prétend que c'est là qu'il faut aller. Il faut bien que les autres se convainquent que c'est là qu'il faut aller, parce que c'est censé qu'ils ne pourront pas être capables d'accepter que les autres vont ailleurs. Alors, ils veulent convaincre les autres. Tu as la religion chrétienne, tu as la religion musulmane, tu as les athées, les sceptiques, les raéliens, etc. Tu as un paquet de monde. qui sont poussés par des vents. Jusque-là, ça va. Sauf que le mensonge cosmique, c'est que c'est pas l'humain qui pense. Inconsciemment, on a structuré. Mais là, le maudit problème, c'est que quand on commence à se prendre en main, quand l'évolution commence à s'atténuer puis la conscientisation commence, le savoir instantané, où on pense pas ce qu'on dit. Moi, je pense pas ce que je dis. Si je penserais tout ce que je dis, la moitié de ce que je dis, je le dirais pas. Je dirais ça n'a pas de sens. Alors, je pense pas ce que je dis. Alors, je parle. Mais c'est une grosse nuance. Vous parlez souvent dans vos têtes. C'est là que vous êtes là. Vous parlez souvent à voix haute. C'est là que vous êtes là. Mais vous pensez souvent dans vos têtes. C'est pas vous autres. Vous pensez souvent à voix haute. C'est pas vous autres non plus. Ah, maudit, tu vis ce qui est... T'es pas là, toi, là. Non, franchement, votre vie, c'est ça. Là, tu veux, tu t'es, puis encore ça, puis je sais pas, je devrais acheter ça. Peut-être que lui me ferait mieux, puis ouais, mais c'est cher, puis je le veux quand même. Combien qu'il y en a qui veulent l'acheter, puis qui ne l'achètent jamais? Quand ils partent magasiner, puis à un moment donné, ben, peut-être mignon, puis t'es. On s'amuse! Là, je m'en vais en vacances, en Floride, t'achètes tes bébés, t'achètes pas, là, mais tu vas chez l'agent de voyage, puis là, tu regardes des affaires, puis là, oups, tu vois la Jamaïque, là-bas, là, t'as pas le coin de l'œil. Ils ne peuvent pas nous lâcher un petit peu. J'allais en Floride, là. Peux-tu aller en Floride? Tu vas en Floride. Là, tu n'aimes pas trop ça. Ça fait penser que la plage est sale. Crème, tu n'as pas de plage, si tu viens. On n'est jamais content. Je savais que j'allais dire à la Jamaïque. Ben oui, c'est ça. Puis l'autre de la Jamaïque, ben il dit que les Noirs font juste vendre de la drogue sur la plage, puis c'est toujours nos problèmes. Pas nos problèmes, c'est en Haïti. En Jamaïque, c'est toujours. Ils veulent te faire sniffer. Bon. À certaines places, évidemment. Et puis là, tu entends parler, puis tu es trop pogné. Tu sais, ta vie, c'est quoi, c'est ça? Donc, là, l'être humain, présentement, nous sommes des réceptacles. On reçoit du vent. De temps en temps, le vent, en passant à travers telle ou telle fenêtre, frappant tel ou tel meuble, semble jouer une mélodie. Et là, je trouve que c'est beau. Et là, je ne veux pas fermer mes portes. Je me dis, mais alors, c'est, écoute ça! Eh oui! L'idée du siècle. Ah, c'est... Et quelques temps après, je t'assure, quand le vent a changé de bord, on ne t'alimente plus. Ton idée du siècle peut tomber en faillite du siècle. Mais ça fait partie des problématiques. On doit développer chez soi la capacité de... Au départ, tout ce que l'humain va pouvoir faire, ça va être de reconnaître que c'était pas lui qui pensait. Mais là où il y a un danger, c'est ce que tu as amené au début, il va facilement reconnaître quand c'est pas bon que c'était pas lui qui pensait. Et que quand c'était bon, bien là, il ne reconnaîtra pas que c'est pas lui, il va être sûr que c'est lui. Comme la religion catholique un peu. Faut que tu fasses le bien. Puis fais attention, le diable te fait faire du méchant. Tu sais, quand c'est correct, c'est toi. Puis quand c'est pas correct, c'est un autre. Ça te permet de vivre. À un moment donné, par exemple, après avoir échoué assez souvent, on finit par se dire... Échoué tout le temps. Oui, tout le temps, donc. Mais il y a des fois, tu as encore l'illusion que tu avais réussi. Oui, effectivement. À un moment donné, tu te dis, bon, ben là, ça pense dans ma tête. Ça pense dans ma tête parce que j'ai un corps physique. Si j'élimine le corps physique, ça va l'aider. T'sais? Parce que là, tu finis par te demander comment tu vas faire pour casser ça, pour casser le mensonge cosmique. Puis encore là, tu te dis, là aussi, on me fait penser ça. Ben oui. Il y a quelqu'un qui me fait penser que je devrais éliminer le haut-parleur. Absolument. T'as un paquet de suicideurs là, dans l'astral qui se promènent puis qui essayent de pirater du monde. Il y a deux fois qu'ils s'en vont leur automobile ou en BC, quoi, puis à un moment donné, il leur semble très près de juste voir ce que ça donnerait de se jeter devant l'autobus qui s'en vient. Juste paf, tu sais, puis. Mais après ça, tu continues à vivre, tu sais. Puis quand il y en a un qui se fait avoir, ben, il continue à vivre, mais 50 ans plus tard, il se réincarne. Alors, je sais qu'il t'a dit que c'était pas quelqu'un, là, corps, c'est une mécanique. Mais pourquoi une mécanique prendrait la peine? Il n'y a pas de peine, là. Pourquoi une mécanique serait mécanisée pour manipuler le monde à faire des... Non, ça reste, là, c'est une diplomatie sur une opération phrasiologique. C'est une ruse. Ouais, une ruse. Mais quand même, faudrait que c'est pas mal subtil, pas mal plus subtil que ça, si tu veux que je me rende pas compte. Le pourquoi, c'est quelque chose qui sort, pour l'instant, en tout cas, des cadres des conférences régulières, parce que c'est trop long à expliquer. Bon. Mais je vais la poser plus directement, ma question. Bon. Est-ce que c'est la source qui nous fait faire des conneries comme ça? Okay. Non. Mais pourquoi la source n'empêche pas des conneries? Parce que la source, elle ne peut pas. Lui, ce qu'il veut savoir, autrement dit, on va dire la source Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui nous fait vivre ça? Non. Alors, pourquoi Dieu ne vient pas nous aider? Il il faut déspiritualiser. Je dis souvent en conférence que quand Dieu vient parler à un chien, ben il se met au niveau du chien et il jappe. Puis le chien, il dit... Alors, Dieu, l'énergie, la source, descend à ton niveau. C'est chiant ce que tu dis. Elle descend à ton niveau. Je savais que tu dirais à ton niveau. T'entends japper souvent, toi? Ça miaule dans ma tête. Ça descend à ton niveau, puis ça te parle à ton niveau. Ça ne peut pas faire autrement, présentement. Il n'y a pas quelque chose que je ne peux pas dire là. Je peux, mais en tout cas, c'est pas compliqué. Mais ça parle à ton niveau. Et là, donc, l'être humain a intérêt à augmenter son niveau. Et pour eux, c'est ce qu'il essaie de faire depuis tout le temps avec un paquet de stratégies. Puis ça, il y a plusieurs stratégies qui ont fonctionné. Sauf que des stratégies du passé, c'est plus bon. Parce que ça, on est les résultats de tout ça. Là, il faut maintenant de nouvelles stratégies si on veut avancer. Il y a encore des ethnies qui ont besoin. Il y a encore des civilisations qui ont besoin des affaires. Parce que c'est nouveau pour eux autres. Mais là, il y a quelques places à la planète Terre, c'est plus nécessaire. Il faut des phénomènes neufs. Mais l'être humain, on lui fait penser dans sa tête que le neuf, c'est pas bon. Mais en même temps, on lui dit le neuf, c'est bon. Parce que, inconsciemment, pour l'ego, vous savez tous que c'est vers l'avenir qu'on doit s'en aller, qu'on doit cesser de répéter le passé. Sauf qu'en même temps, on veut vous récupérer. Fait que là, on vous dit, oui, il va y avoir une ère nouvelle. Une ère nouvelle où tout ce qu'on a voulu faire dans le passé, qu'on n'a pas pu, on pourra le faire. Fait que là, l'humain est fait à l'os. Parce qu'il prend toutes ses pensées, donc juste la mémoire. Là, il pense qu'il va aller inventer du neuf avec toute la mémoire. On va encore le ramasser. C'est pas la première fin du monde là, vers laquelle on se dirige. Hein? Il y en a eu tout un autre fin du monde. Fin d'un monde. Je suis toujours venu pareil. Daniel, quand le Nazaréen disait qu'il fallait faire la volonté du Père, à ce moment-là, est-ce qu'il faisait référence à faire la volonté de sa source? Non. Lui, il disait faire la volonté du vin. Le Nazaréen, c'était un très, très grand philosophe. C'était un gars génial. Puis, quand il y a eu le contact avec l'énergie supramentale, l'énergie christique, c'est la même chose, il est devenu pas mal plus brillant encore. Assez que le monde, il voyait la nuit. C'était un problème pour lui parce qu'il dormait mal quand il y avait de la lumière. En tout cas, je ne vous contre pas tout. Mais, le Nazaréen, écoutez en haut, là, on ne peut pas rire au moins. Mais, le Nazaréen, lui, quand il disait « Faites la volonté du Père », ce qu'il disait simplement à l'homme, c'était « Cessez donc de faire comme si c'était vous qui vantiez. » Il disait « Cessez donc de vous vanter. » Oui? Bon. L'être humain qui fait la volonté du Père, parce que le Père, c'est la mécanique devant, c'est l'astral. C'est pour ça qu'à un moment donné, lui, il va pouvoir donner des ordres au Père. Lui, il parlait au Père dans le ciel. De celui-là que je parle présentement. Plus tard, il a parlé du Père dans les cieux. Ça, j'en parle de temps en temps, on en reviendra, c'est le phénomène supramental. Mais le Père dans le ciel, le premier Père que lui parlait quand il avait 8 ans, 12 ans, 14 ans, 17 ans, jusqu'à 21 ans, Père dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cesse donc de toujours vouloir contrôler le vent, c'est lui qui te contrôlera de toute façon tout le temps. Bon, si tu n'as pas, tu as juste des voiles carrées, puis tu as un vent arrière. Tu peux peut-être aller par trois quarts arrière, d'un bord ou de l'autre. Un petit peu par bâbord à meutrer. Tu sais, t'es un peu le vent de côté, mais pas fort. Le bateau va plus fort, il penche par là à place. Il a tendance à s'en aller par en avant parce qu'il y a moins de résistance dans l'eau, mais il dérive. Mais essaye pas de remonter le vent. L'humain, il se dit, écoute, c'est là que je m'en vais. C'est vrai, mais la terre est ronde. Fait que ce que Nazaréen disait, lui... Cesse donc de vouloir te diriger vers où tu veux aller. Laisse-toi porter. Tu vas de toute façon y arriver. Bon, ça voulait simplement dire à l'être humain, sans lui expliquer quoi que ce soit, c'est relax, relax. De toute façon, tu es fait à l'os. Bon, relax. Bon, Bouddha a dit la même chose. Hein? Les gens l'ont boudé. Bon. Mais il y en a plusieurs. Jusqu'à temps où l'être humain aura la capacité de devenir son seul maître. Et quand je parle d'être son seul maître, ça veut dire au niveau des mécaniques planétaires, au niveau de la conscience. Il va cesser d'être manipulé par la pensée. Mais le Nazaréen, ce qu'il disait, c'était merveilleusement adapté, puis ce l'est très encore aujourd'hui aussi, pour l'individu qui n'a pas de contact avec ce que lui appelait l'Esprit-Saint, enfin ce que les gens ont appelé l'Esprit-Saint de sa bouche. Quelqu'un qui a un peu de contact avec l'intelligence supramentale, l'intelligence supérieure au plan mental, on met les mots qu'on veut, Bon, l'Esprit Saint, l'individu qui est en contact avec l'Esprit Saint ne peut plus faire la volonté du Père dans le ciel. Il doit commencer à s'organiser faire la volonté du Père dans le ciel. Ça veut dire que l'individu doit commencer à appliquer, à prendre son corps, à le bouger, puis c'est toute une démarche de mutation qui fait mal. On pourra en parler à un moment donné. Mais présentement, ce qui est important pour mettre fin au mensonge cosmique, pour détruire le mensonge cosmique, on ne l'anéantira pas comme ça, c'est pas un coup de laser, là. Mais au minimum, c'est de conscientiser, et non pas d'apprendre, vous l'avez appris, là. De conscientiser, puis le croyez-moi pas, c'est encore pire, on vous fait penser. Si vous me croyez, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Parce que vous dites, ah, c'est à l'allure. Vous allez continuer à penser tout le reste de vos vies. Bon. Non, on doit simplement observer, constater puis expérimenter. Là, quand vous allez sortir, vous allez marcher, prenez vos automobiles, il y en a qui vont dire, ah, il ne pleut plus. Mais qu'est-ce qu'on en fout? Hein, entre vous et moi. Ah, il pleut encore. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? On nous occupe. On nous occupe tout le temps. Tout le temps. Là, on va arriver à la maison, là, on va se dire, tiens, en arrivant, je vais prendre une douche. Je vais rentrer à la maison, oh, je suis trop fatigué. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, on vient nous contredire. Flingue, flingue, flingue, tout le temps, sans arrêt. Hein? On veut faire une carrière dans telle profession, quand t'es diplômé, t'es finalement, t'as jamais eu le coup de faire ça. T'sais? Ou bien non, la vie va t'amener. Tout le temps. Alors, évidemment, la première chose à faire, c'est minimum de constater que c'est pas nous autres. Et si vous êtes capable de constater que c'est pas vous autres, paniquez pas. Si vous n'êtes pas capable, il n'y a pas de problème, vous allez, vous ne me croyez pas. J'ai réglé. Si vous constatez que ce n'est pas vous autres qui pensez, paniquez pas. Si vous êtes capable de constater que ce n'est pas vous autres qui pensez, c'est que vous êtes là. C'est que vous existez. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on apprenne à se dissocier du mensonge puis accepter d'être uniquement nous autres. Sans les aberrations phraséologiques du mensonge, qui suis-je? On n'a rien à foutre de qui que t'es. Tu veux être qui par rapport à quoi? Quel âge que j'ai? Tu es éternel. Ouais, OK. Mais depuis quand je suis éternel? Ça fait penser qu'un humain dit en quelle année nous sommes-nous? À travers 4 500 millions d'années, moi je dis franchement, oui, 1992 ou là, 2023. Il a vécu 5 ans de plus. Ouais, sur 4 500 millions d'années, ça a changé quelque chose. On doit éliminer ces choses-là. À un moment donné, là, vous allez constater, hein, vous constatez que c'est pas vous autres, arrêtez ça là. Vous continuez à constater. Mais là, ça va commencer. Tabarnouche, hey, je constate. C'est du vent, ça. C'est du vent. Parce que là, le vent, il expérimente ton expérience. Fait que là, il te fait vanter. Fait ça de l'auto-synergisation. Un cercle vicieux. Puis, ça se promène. Alors, c'est très important, c'est que là, vous allez sortir. On s'en va chez soi. On veut dormir tout de suite. Apprendre. Constater. Non, c'est moi. J'ai goût de penser à ça. J'ai rien contre. T'as le goût de penser à ça? Pas de problème. C'est peut-être toi qui contrôle. Mais faisons un test. Essaye de continuer. Essaye. C'est ça. Là, tu vas voir. Alors, écoute, j'ai le goût de penser à ça. Oui, mais un test. Pense plus à ça. Dors. J'ai déjà essayé l'inverse, mais essayez de continuer. Ça marche pas non plus. Mais non. Alors, si ça s'en va, tu contrôles pas. C'est facile de jeûner quand on n'a pas faim. Ça, c'est sûr. T'sais, moi, j'ai la volonté. Moi, ça fait deux heures que je jeûnais, là, puis regarde, rien, aucun problème. Toi, là, fait juste deux semaines, mais c'est pareil comme deux heures, deux, tu sais, puis tu es là, puis tu plains, puis tu trémousses, puis voilà, là, on développe ta volonté un peu. C'est ça. Quand on te donne ce qu'on te fait penser que tu veux, ah, tu penses que tu contrôles tout? C'est pas quand ça va bien qu'il faut vérifier son contrôle. C'est quand ça va mal. Moi, je n'ai rien à faire de contrôler quand on me donne tout ce que je veux. Donc, je suis bien relax là-dedans. Moi. Mais ça semble toujours plus facile quand ça va bien que quand ça va mal. Ben oui, mais c'est ça. Et moi, ce que je dis simplement, c'est que si tu veux voir si tu contrôles ta pensée, contrôle-la donc quand t'es pas capable. Écoutez, on ne peut pas dire autrement. La pensée positive, c'est la même chose. On a canalisé l'humain à projeter le vent. Oh, mais quelqu'un qui a visualisé que tu as gagné la loterie, 1 million. Mais ben, si 1 million a visualisé ça, puis qu'on gagne tout, c'est le même tirage, on va tout se faire une pièce. Fait que la pensée positive ne va pas plus fonctionner. Alors, mais oui, mais l'aberration. Ben oui, ça a fonctionné. La preuve. On a tout fait une pièce. C'est parce qu'il y a trop de monde qui l'a piqué. Ah bon, ben là, je vais m'asseoir dans ma chaise, je voulais passer positif. Je gagne 1 million, personne ne m'a gagné. Je gagne 1 million, personne ne m'a gagné. Ben, il faut bien que je me trouve des stratégies. Ça marche pas plus. Ça marche pas plus. On est le mensonge cosmique le plus virulent, le plus grand, c'est que l'homme pense qu'il pense. Pour y mettre fin, c'est pas du jour au lendemain. Il faut commencer par être capable de constater qu'effectivement, mais vous parlez dans vos têtes. Puis c'est ça que l'humain doit développer. C'est la capacité de discerner, pas dans la validité de son information. Au départ, l'humain est un pressé. Hein? L'humain, il veut tout aller vite. Pas discerner si c'est une bonne information ou une fausse. La vie, là, c'est vraiment pas les résultats immédiats planétaires. Je sais que c'est confortable quand c'est confortable, et que c'est inconfortable quand c'est inconfortable. Ça, je le sais. Sauf que quand c'est inconfortable et qu'on ne comprend pas, on va rester inconfortable longtemps. Le pire, on peut devenir confortable puis plus rien chercher. On va se réincarner comme ça, puis Bouddha va avoir raison. C'est une roue. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit être capable de discerner si c'est moi ou pas moi. Juste ça, au début. Ça, c'est un pas magistral, le reste est exponentiel. C'est bien, bien difficile à commencer, puis quand on commence à être dedans, là, ça va de plus en plus vite. Fait qu'on va commencer par le début, hein? Le début. Être capable juste de discerner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, je sais ce que je sais. Et je sais ce que je ne sais pas. Je sais que je connais ça, je sais que je crois ceci, je sais que j'ai la foi en ça. Mais je ne sais pas. Je crois que mon automobile, le moteur va démarrer demain. Mais je ne sais pas. Je crois. Quand elle démarre, je le sais. Réglé. On doit savoir. Alors, plus on va être capable d'observer simplement sa vie, puis toutes les conneries qu'on nous fait faire. Voulez-vous gueuler? Non, bien, vous gueulez, hein? Voulez-vous fumer? Non, vous fumez, hein? Voulez-vous maigrir? Oui, vous avez régressé, hein? Voulez-vous réussir en affaires? Ouais. Ah, ouais, moi, ça réussit. Ouais, ouais, t'es-tu heureux? Ouais, vous allez pouvoir raisonner, mais t'as-tu ce que tu veux? Moi, là, j'ai tout ce que je veux dans la vie. Ouais. Puis t'es obligé de travailler, hein? Pour le maintenir, il me semble, c'est pas brillant. Quel âge as-tu? 62 ans, moi, puis j'ai ma vie, c'est une réussite. 62 ans. Je t'aurais 12 ans. Ce ne serait pas plus une réussite de ta vie, entre toi et moi, là. Tu as tout pour les autres, hein? Tu lègues. C'est niaiseux. L'humain se fait penser. C'est sûr que tu ne meurs pas. Le corps s'en va, tu perds ta mémoire, puis il se passe autre chose. Sauf que du point de vue de toutes les niaiseries qu'on te fait amener, on n'est pas dedans. Alors, il faut qu'on soit capable d'observer. Je fais ceci, je m'en vais. Est-ce que c'est moi ou pas moi? Au départ, c'est juste ça. Puis, quand je dis c'est moi qui est là. C'est pas moi qui pense. Puis comment je vais être capable de savoir quand je suis là, c'est quand je parle. Est-ce que le fait d'observer qu'il y a un mensonge ou une pensée qui n'est pas la nôtre va détruire la source à la longue? Ça ne détruit pas la source, mais progressivement, ce qui va arriver, c'est que tu es capable de plus en plus de tripoter ce qu'il faut maintenant que tu changes au niveau de tes propres corps planétaires, puis de syntoniser progressivement, je dis bien progressivement, la station où toi tu es branché. Et progressivement, ce qui va arriver, tu vas recevoir encore du vent, mais tu vas avoir de plus en plus la vraie information. Là, l'information va te dire, écoute, là, il faut fermer telle fenêtre. Là, la petite fenêtre là-bas, là, va la fermer. Tu te dis, ben oui, non, c'est la grosse là-bas qu'il faut fermer, c'est par là que le vent rentre. La source, elle dit, va fermer la petite. L'aberration. Pourquoi? Parce que je veux contrôler, voilà, l'instant. C'était grosse, c'était grosse, puis ben, du vent. Elle n'explique pas normalement. Mais non. Mais pourquoi fermer la petite fenêtre? Parce que la grosse, il y a trop de vent qui rentre par là. Tu n'es pas assez fort, tu ne seras jamais capable. Tu te bottes la grosse fenêtre depuis déjà 200 ans. Tu fermes la petite, tu enfermes une petite autre, de moins en moins d'air. Quand on va fermer toutes les petites fenêtres, là, ben, le courant d'air va diminuer, il ne veut pas, lui. Mais nous, on s'attaque à l'ensemble, là, on est avec notre pipe, là, puis on s'attaque à l'ensemble des phénomènes des mystères de l'homme. C'est sérieux, ça. Non. Cessez de ne pas être vous autres. Observez que quand vous chiolez, c'est pas votre vie. Observez que quand vous plaignez, c'est pas votre vie. C'est sûr qu'on peut devenir facilement un frustré mental global. Un MTS, un martyr de transition supramentale. On peut devenir facilement un MTS. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, tout est stupide. Je reviens encore sur ce que je disais à un moment donné dans une conférence. Au départ, c'est tellement sûr que ça a de l'allure. Puis à un moment donné, c'est tellement sûr que c'est stupide. On se trompait là. Puis moi, je vous le dis, On se trompe là aussi quand on dit ça. Puis à un moment donné, ben là, on commence à découvrir que c'est pas ça. C'est évident, je suis toujours de l'avis de l'humain, que ça reste tellement stupide la façon dont l'humain est amené à s'émanciper. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Ils ne veulent pas qu'on en parle. Mais chose certaine, c'est que c'est stupide. Ça, dans la maladie, on rejoint plus Dieu. C'est drôle, moi, il me semble que dans la santé, je le rejoindrais aussi bien. Dans la pauvreté, dans la perte, dans l'ennui, dans la solitude. Oh, Dieu! Moi, je suis contre. La première chose à faire, c'est reconnaître qui on est. Pas s'en vanter, juste voir, c'est pas moi. Ça arrive encore que je vais dire une chose ou que mon corps va faire une affaire. Mais je ne souffre pas de culpabilité, c'est pas moi. Je m'en rends compte. C'est très rare que je me fais ramasser, je m'en rends compte. Pour détruire le mensonge cosmique, la base fondamentale, c'est toutes les grosses portes après, là. La première, c'est juste de discerner, même pas si la source est bonne. Au début, on n'est pas subtil, on n'est pas capable. Mais de discerner simplement, c'est-tu moi? C'est-tu ça, ma vie? Je disais dernièrement à des personnes réunies, est-ce que c'est votre vie que vous vivez ou si vous vivez la vie des autres? Vous habillez-vous en fonction d'autrui, en fonction des modes? Mangez-vous en fonction d'autrui? Êtes-vous du genre au restaurant, là? Bon, la vie de qui on vit? On vend, ça vend. Faut être là. Fait qu'on... Une chose certaine, c'est qu'à un moment donné, pour ceux qui viennent la première ou deuxième fois, qui ont l'impression d'être là, si ça semble un peu dramatique de temps en temps qui est amené, faut qu'on arrive, faut qu'on perde comme ça. Tant que moi je vais rire, on vous en va, c'est quelque chose de drôle en maudit, vous ne pouvez pas. Mais si on voit la vie bizarrement, hein, c'est parce que vous voyez pas. Il faut prendre du temps, prendre patience et après.